Mais moi, j'ai l'impression, ce qui va arriver par rapport aux enregistrements que tu fais, c'est que peut-être ça va être dans 30 ans, dans 60 ans, que les gens vont commencer à découvrir ce que tu fais là, à une plus grande échelle. En autant que je sois plus là, puis que j'aie pas le subir, ça va être correct. Ben, ça dépend. Tu sais, ça pourrait être bien de ton vivant si tu peux avoir une. Ben, ça dépend ce que tu veux aussi, là, mais je Alors, veux moi, ce dire. que je veux, au fond, je suis curieux au point que c'est important pour moi de parler, parce que je sais jamais ce qui va en sortir. Je sais jamais jusqu'où je vais aller ou ce que je vais voir de nouveau. Mais c'est le plus important, ça reste d'avoir la paix. Puis, dans le fond, bon, ben, c'est là que les ajustements se font à mesure, en temps réel. Puis là, des fois, c'est sûr que, bon, ça me choque un peu, là, ce que ça me répond. Parce, souvent, ça va me dire que, mais jamais, jamais, ça va me dire, ah, t'as raison. Ça va tout le temps dire, t'as pas tout à fait tort ou t'as pas tort. Mais c'est tout le temps de même. C'est un jeu de. C'est plus habile qu'un ego, là. C'est pour ça que c'est toujours surprenant des fois ce que ça sort. Puis là, tu te dis, ouais, tu sais, il y a juste assez de lousse pour que j'aie un petit peu juste assez un petit peu d'orgueil pour que mon ego il se sente confortable un petit peu. Mais c'est tant que c'est pas l'humiliation totale comme quelqu'un qui est rendu dans la rue. Ben, il reste que, tu sais, t'es encore au le juste milieu, puis ça continue l'intégration.